mandé frère, j'a mandé sœur, qui j'en y mette là. J'a mandé cousine, j'a mandé ma tante, qui j'en y mette là. J'a mandé ma reine, j'a mandé ma beau, qui j'en y mette là. Qui numéro est ça? Zéro. Pas ta compte, pas ta compte. A zéro. Mais qui numéro ça? Zéro. Moi ta tape, moi ta tape. A zéro. Jeudi, vendredi, premier vendredi du mois. Qu'a joué l'auto, qu'a joué tiens, c'est quand sous qu'est gagné. Loyer pas payé, pas même ça sous qu'est gagné. Pense-moi qui j'en ou qu'a sorti ou l'en pas ni l'argent. Moi m'en des mamans, moi m'en des papas qui j'en qu'a ouillé là. A zéro. Moi m'en des petits frères, moi m'en des petits sœurs qui j'en qu'a ouillé là. A zéro. Ou j'a espéré oh. Mais qui j'en fait faire couper trouver ce numéro là. La passivité t'a joué tiassé. Mande tu yo la poupée tu n'y de chouba placé oh. A zéro. J'ai mandé ma reine, j'ai mandé ma boue, qui j'en y mette.